Dessus de tous ces visages cornés, remporte le gong d'Iris perçant. Le domaine cloaque du ventaire, la famille mangeuse de chair volante, le cri au tympan prénatal, pire que les savanes, et son crotal d'une salive étanche. Plus rien à vendre, le rien du tout, cette figure de la cendre, plein le bide et de la cendre, plein le bide et de la cendre, plein le bide. Thank you. Thank you.